إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on commence un nouveau chapitre. Aujourd'hui c'est le cours 58 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid. Et on va expliquer aujourd'hui un nouveau chapitre, comme je disais, Babun ma ja'a fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi s-salihin wa qawlullahi azza wa jal ya ahla al-kitab la tahlu fi dinikum. Donc c'est l'explication que la cause du kufr chez les fils d'Adam, chez les êtres humains, c'est et la cause ou la raison pour laquelle ils ont abandonné leur religion, c'est-à-dire le tawhid, c'est qu'ils ont exagéré au sujet des hommes pieux, au sujet des salihin. Et il mentionne comme preuve de ça l'exemple de du verset 171 dans Surat An-Nisa. وقول الله عز وجل la parole d'Allah qui dit vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. D'accord. Et puis ensuite il mentionne l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui explique comment le shirk est apparu chez les êtres humains. Donc on va commencer à expliquer, à lire l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet-là, Inch'Allah. Puis on va lire par la suite l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud. Le Cheikh dit, « وقال الشيخ رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد من الأدلة أن سبب كفر بني آدم السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء ولذلك سمي الحبل سببا قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء يعني فليمدد بحبل إلى السماء أما السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وكفر بني آدم يعني كفرهم بالله عز وجل وتركهم بالجر عطفا على كفر بني آدم وتركهم بالجر عطفا على كفر على كفر المضاف إليه لأن المعطوف على المجرور مجرور دينهم منصوب على المفعولية لأن لن المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه أن فإنه يعمل عمل فعله. نعم في أن طيب. Donc, وهو الغلو في الصالحين. الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد. يقال غلى القدر. غلى القدر إذا زاد منه. يقال غلى السعر إذا زاد في الأسواق. فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد. أما في الشرع فهو الزيادة عن الحد المشروع ويسمى غلوا ويسمى طغيانا. والغلو في الصالحين هو الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق ورفعهم فوق مكانتهم بأن يجعل لهم شيء من العبادة. Donc le chef il fait l'introduction et dans cette introduction là il explique le titre. Ok, donc le chef il dit que ce chapitre c'est pour mentionner ce qui a été rapporté comme preuve au sujet des causes de la mécréance des fils d'Adam ou des êtres humains. Hein? Et la cause, quand on dit en arabe, al-sabab, c'est tout ce qui nous amène à un but. Okay? Et comme par exemple dans le verset 15 dans Sourate al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle la corde sabab. Il appelle sabab parce que c'est le moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala leur dit de s'accrocher avec. Yani, donc si vous regardez dans Sourate al-Hajj le verset 15, vous allez comprendre le contexte. Le chef il donne un exemple pour dire que tout ce qui est utilisé comme moyen pour arriver à faire quelque chose, on l'appelle en arabe sabab. Puis il explique la définition du mot sabab selon les savants de Usul. Mais je ne vais même pas essayer de traduire ça en français parce que c'est un petit peu compliqué. Puis si vous savez un peu en français qu'est-ce que ça veut dire une cause, et bien vous comprenez tout de suite la définition, inshallah. Parce que ma yalzim min adamihi al-adam, wa la yalzim min wujudihi wujud, wa la adam li dhatihi. Donc ça c'est des définitions très résumées là pour définir la réalité de ce terme là selon les usuliyin. Donc inshallah, lorsque ceux d'entre vous qui comprennent l'arabe, alhamdulillah, c'est clair, mais ceux qui ont besoin d'apprendre l'arabe, quand ils vont l'apprendre, inshallah, ils vont comprendre cette définition-là facilement, inshallah. Kufru bani Adam, yani kufruhum billahi azza wa jal. C'est-à-dire la mécréance des fils d'Adam, c'est-à-dire leur mécréance en Allah, le fait qu'ils ont rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont abandonné leur religion, c'est à cause du fait qu'ils ont exagéré au sujet des hommes pieux. Ok? Et il explique le mot rouleau. Qu'est-ce que ça veut dire en arabe, le mot rouleau? Dans la langue arabe, le rouleau, c'est tout ce qui est au-dessus de la limite de quelque chose. Tout ce qui dépasse une limite. Et il donne des exemples de ça. Comme par exemple, rala al-qidr. C'est-à-dire, quand tu mets une bouilloire ou, comment on appelle ça? Une petite bouilloire. En français, c'est quoi? Une marmite, mais disons une petite théière, hein, une théière, hein, tu mets de l'eau dedans pour faire bouillir l'eau, ben quand ça commence à bouillir, ça déborde, hein, c'est ça l'expression, c'est ça, ça dépasse le niveau, ça déborde, ben on dit « rala al-qidr », c'est de là que ça vient « al-rouleau », ok, de dépasser la limite. Il y a un autre exemple aussi, quand on dit « rala al-sir », quand tu parles de quelque chose, tu dis que c'est cher en arabe, tu dis hada rali. Hein, rali, ça vient de rouleau aussi. C'est-à-dire, le prix est tellement élevé, ça dépasse la limite du marché. Hein, donc tu dis c'est très cher. Donc ça vient de ce sens-là aussi. Et donc c'est pour dire quelque chose qui dépasse la limite. On dit que c'est rouleau. Okay? Mais dans la langue arabe, quand on parle en particulier dans le sens religieux maintenant, al-rouleau, c'est-à-dire quand tu fais du rouleau dans la religion, c'est-à-dire que tu dépasses la limite de ce que Allah a ordonné. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné quelque chose, toi tu veux dépasser cette limite. Hein? Donc on appelle ça rouleau, c'est de l'extrémisme, c'est de l'exagération. Et on l'appelle aussi tourian, la même chose, tourian. Et al-rouleau fait ça, les chiens. L'exagérer, hein, d'être extrémiste ou d'exagérer dans notre amour pour les hommes pieux, eh ben, ça rentre dans ça. C'est lorsqu'on les glorifie trop. On exagère dans notre glorification pour eux, puis on les élève à un niveau plus élevé que celui que Allah, dans lequel Allah les a mis. On les élève à un niveau que c'est comme s'ils deviennent plus que des êtres humains. C'est comme s'ils deviennent des demi-dieux ou bien des êtres surnaturels, on exagère à leur sujet, ça devient rouleau, ça devient de l'extrémisme, ok? Et donc ça c'est pas permis, hein? Ou bien on donne à certains d'entre ces êtres humains-là une forme quelconque d'adoration, on leur offre, on leur fait des doigts, on leur demande de nous aider dans les difficultés ou des choses de ce genre, ça c'est une autre forme de rouleau. Le cheikh maintenant il explique le verset qui a été mentionné, le verset 171 dans sourate An-Nisa. وقال وقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب اليهود أنزل الله على نبيهم موسى التوراة عليه السلام والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى الإنجيل عليه السلام فلذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم بين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم وهذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم وعدم مجاوزته وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال. Donc le chef il dit que Allah il dit « Oh vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. » Quand on dit « Ahlul Kitab », on parle de qui? Les gens du livre, on parle de qui? On parle des juifs et on parle des chrétiens. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur leurs messagers des livres, des révélations. Donc les juifs, Allah a envoyé sur leur prophète Moussa, Moïse, la Torah, et il a envoyé sur le prophète des chrétiens, Isa al-Injil, il a envoyé sur eux al-Injil, et c'est pour ça qu'on les appelle les gens du livre, pour les distinguer des autres peuples parmi les gens qui n'ont pas reçu de livre et qui sont des idolâtres, comme par exemple les bouddhistes, les hindous, les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas reçu de révélation auparavant, ils n'avaient pas reçu un prophète auparavant. Donc, on les appelle pas Ahlul Kitab, parce qu'ils n'avaient pas eu de livre avant. Donc, c'est pour les distinguer de ceux qui avaient un livre auparavant et ceux qui n'ont pas reçu de livre. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit que ça, c'est, en fait, c'est pour faire comprendre que chacun de ces groupes-là doivent se limiter au livre qui leur avait été, ils devaient se limiter au livre qui leur avait été révélé et ne pas dépasser ce qui avait été révélé dans leur livre. Et c'est pour, en même temps, c'est une remarque en même temps pour toute personne qui est savante, pour qu'il se limite à ce qu'il a reçu et qu'il soit juste et qu'il ne dépasse pas la limite, de rester modéré, de ne pas être extrême. Ou extrémistes. Et on va discuter un petit peu sur ce sujet-là plus tard. Le cheikh dit la taghlu hadha nahyun min Allah lahum 'an al-ghulu li'anna al-ghulu imma an yakuna fi al-shakhs aw yakun fi al-din wal-ghulu fi al-shakhs huwa al-mubalaghatu fi madhhi wa raf'uhu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah fiha amma al-ghulu fi al-din فهو الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها أو في كيفيتها كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يعني يتبتل وفي رواية لا أكل اللحم ومن باب التقشف وحرمان النفس وهذا غلو أيضا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله وأخشاكم لله وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا غلو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالتوسط وعدم الغلو. الشيخ explique ici, il dit, n'exagérez pas dans votre religion, ne soyez pas extrémiste dans votre religion, parce que l'extrémisme c'est interdit dans l'islam. Toute forme d'extrémisme c'est interdit dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'être modérés dans notre islam. Hein. Donc, ça me fait rire parce que aujourd'hui, quand on entend ça, les gens ils s'imaginent qu'être modéré, c'est aller, tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux, c'est-à-dire tu respectes pas les limites de l'islam. Alors que d'être modéré, non, c'est de suivre les limites de l'islam et rester dans les limites de l'islam et de pas exagérer. L'extrémisme, c'est de dépasser les limites de l'islam et de vouloir faire plus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et son messager. Toutefois, aujourd'hui, les gens ont inversé les définitions. J'ai vu dans certains sites sur Internet qu'ils ont mis différentes catégories de musulmans. Musulmans libérales, musulmans modérés, musulmans ultra-libérales, musulmans conservateurs. Yani, tu te dis, subhanallah, c'est quoi ces limites de définition là? Et quand tu vois les musulmans qui se disent modérés, eh bien c'est des gens qui ne se limitent pas à la sunna, hein, qui ne vont pas se limiter aux limites de la sunna. Par exemple, c'est des gens qui vont se raser la barbe, des femmes qui ne vont pas mettre le hijab, et ils disent qu'ils sont modérés. Alors que ça, ce n'est pas la modération. La modération, c'est de faire ce que Allah t'a ordonné de faire, et de ne pas rajouter à un niveau que tu dépasses la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux, ils font quelque chose, ils considèrent que c'est la modération, alors que ça n'a rien à voir avec la modération. Tu vois? Parce qu'il peut être dans le juste milieu. Tu fais pas trop pour dépasser la limite, et tu t'enlèves pas non plus pour dire que tu es en bas de la limite. Hein? Il faut que tu sois dans le juste milieu. Et c'est ça la modération. Donc, comme je disais, l'islam a interdit l'extrémisme. Il y a une histoire à ce sujet-là, ça m'a fait rire, que j'étais dans un cours de français, et puis on étudiait Baudelaire. Et moi j'avais vraiment été fâché de lire les poèmes de Baudelaire, parce que c'était un homme tellement pervers et tellement égaré, qui vivait dans la drogue et qui s'entourait avec les prostituées, des choses comme ça. Et puis, il écrivait ce poème sous l'effet de la drogue et des choses comme ça. Donc moi j'étais fâché, j'étais en colère, et j'ai dit au professeur, comment vous pouvez nous donner à lire des poèmes écrits par des gens qui ont vécu dans l'égarement, qui sont complètement perdus et sans aucune morale. Et le professeur m'a répondu en disant, toi tu lis seulement ou tu respectes seulement les gens qui ont eu une vie exemplaire et qui vivaient bien. J'ai dit, bien entendu. Et là, elle a dit, mais regarde, dans ses poèmes, il incite à aller à l'extrême de nos limites et à l'extrême de qu'est-ce qu'on aime et d'aller jusqu'au bout. Même, elle va dire, même toi, dans la religion, tu faut aller jusqu'à l'extrême, faut aller jusqu'à la limite. J'ai dit, l'islam interdit l'extrémisme. Et là, elle savait plus quoi dire par la suite. Mais bon, Allah musta'an, c'est l'image que les gens ont aujourd'hui du fait qu'on doit être qu'ils croient que les musulmans sont des extrémistes. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a des musulmans qui sont dans des extrêmes, dans des formes d'extrémisme. Mais ces formes d'extrémisme-là sont rejetées par l'islam. Hein. Et nous, quand on veut savoir qu'est-ce qui est extrémiste et qu'est-ce qui n'est pas extrémiste, c'est pas selon la société qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qui est extrême ou non. C'est pas par rapport à la société occidentale, qu'est-ce que eux ils considèrent chez nous comme étant extrême ou non. Nous on délimite et on définit l'extrême selon la charia, selon le Coran et selon la sunna. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire quelque chose et nous dit de faire quelque chose avec des conditions et des règles, eh bien on le fait en se limitant à ces conditions et à ces règles-là sans rajouter plus que ce que Allah nous a demandé de faire. Et en retournant bien entendu aux ulama et aux explications des savants pour qu'ils nous expliquent justement comme il faut comment appliquer ces règles-là. Tandis que les gens qui suivent des formes d'extrémisme, ils ne se limitent pas à ces règles et à ces conditions-là, puis ils suivent leur propre compréhension parfois et ils dépassent les limites des explications des savants de l'islam. Et donc, comme je disais, l'extrémisme, c'est pas à être défini selon des critères établis par d'autres personnes, surtout pas des non-musulmans, parce que puisqu'ils sont pas musulmans, ils peuvent pas connaître l'islam. C'est par les limites qui sont établies par la charia elle-même qu'on doit définir et comprendre ce qui est extrême et ce qui n'est pas extrême. Pas selon notre raison, pas selon nos goûts, pas selon nos opinions personnelles, pas selon des philosophies, hein. C'est uniquement en retournant au Coran et en retournant à la Sunna qu'on va comprendre et qu'on va savoir ce qui est extrême ou non. Et le cheikh, il dit que Allah nous interdit de faire des extrêmes et il nous dit qu'il y a deux formes d'extrémisme. Il y a l'extrémisme au sujet d'un individu ou d'une personne, on peut exagérer au sujet d'une personne, puis on peut exagérer aussi dans la religion, d'accord? Et dans la religion, il y a différentes formes d'extrémisme aussi. Il y a l'extrémisme dans les croyances, quand on dépasse les limites de l'islam dans la façon de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et il y a des extrémismes aussi dans les formes d'adoration qu'on fait, hein, comme on veut exagérer ou faire plus que ce qui est expliqué par le Coran et par la Sunna. Donc ici dans ce verset là quand Allah dit la tarlou fi dinikum, et en s'adressant aux gens du livre, eh ben c'est pour noter que les gens du livre ont eu des formes d'extrémisme dans leur religion, et en particulier au niveau des croyances et au niveau des adorations aussi. Puis le cheikh il va mentionner quelques exemples de ça. Déjà il explique que lorsqu'on exagère au sujet d'une personne, c'est quand on commence à la glorifier trop, ok, et on l'élève à un niveau plus haut que celui dans lequel Allah l'a placé. Et ça, les gens du livre, ils sont tombés dans cette forme d'extrémisme là à propos de Isa ibn Maryam, à propos de Maryam. Donc ils ont exagéré dans la glorification qu'ils ont fait de Isa et de sa mère, au point de les élever à un niveau de Dieu, de divinité. Hein. Ils ont commencé même à adorer Isa alayhi salam et à dire qu'il est fils de Dieu, ou qu'il est Dieu incarné, ou qu'il est une des trois personnes qui forment la Trinité divine. Donc tout ça, c'est des formes d'extrémisme que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans la religion. Et dans les adorations, eh bien, il y a aussi des formes d'extrémisme, et on va en mentionner quelques-unes. Toutefois, il ne faut pas penser que c'est seulement chez les chrétiens, ou chez les juifs, ou chez les gens de différentes religions qu'il y a de l'extrémisme. Il peut en avoir des manifestations d'extrémisme de ce genre, même parmi les musulmans, et c'est ça ce qui est arrivé en fait, à l'époque actuelle, même depuis des siècles, il y a eu de l'extrémisme parmi les musulmans aussi. Puis on va voir des exemples de ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'explication du cheikh. Le cheikh il donne des exemples de l'extrémisme dans l'adoration. Il dit c'est lorsque tu veux dépasser la limite qui a été légiférée ou ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations, dans la quantité et dans la façon, hein, dans la quantité ou la proportion que tu dois en faire et dans la façon de les faire aussi. Donc le cheikh il donne l'exemple des trois hommes qui sont venus voir Aïcha radiallahu anha pour demander à la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment était l'adoration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment étaient ses prières, comment était son jeûne, comment était son adoration. Donc ils sont allés voir Aïcha radiallahu anha pour lui demander, et Aïcha radiallahu anha leur a expliqué comment il faisait ses adorations. Mais quand ils sont repartis, les trois, ils ont commencé à se parler entre eux, puis c'est comme si ils ont considéré que l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam était peu. Ils ont dit, ah, mais c'est pas beaucoup, nous, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été pardonné pour ses péchés passés et ses péchés à venir, et qu'il fait cette adoration-là, de cette façon-là, donc nous, on doit faire encore plus. Si on veut atteindre ce niveau-là et si on veut être pardonné pour nos péchés. Donc, il y en a un d'entre eux qui a dit, moi, je vais prier toutes les nuits, chaque nuit, et je vais jamais dormir. L'autre, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours et je vais jamais manger durant la journée. Et le troisième a dit, moi je ne vais jamais épouser de femme, je vais rester toujours célibataire et il va y aller probablement se castrer comme ça, il n'aura plus besoin de penser aux femmes et de penser au mariage pour ne pas être distrait de l'adoration. Et un autre, dans une autre narration, il a dit, je ne mangerai jamais de viande. Il veut se priver de certaines choses qui sont bonnes dans la vie, dans le but de se, disons, de se rapprocher, soi-disant, à Allah subhanahu wa ta'ala, en abandonnant les bonnes choses de la vie. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il a considéré que c'est une forme d'extrémisme dans la religion. Et il a répondu, il a dit, est-ce que c'est vous, ceux qui avez dit telle ou telle chose, parce qu'on lui a transmis ces paroles-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et il a dit quoi? Il a dit, il dit, par Allah, j'espère être celui qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous, et je souhaite être celui qui a plus de crainte d'Allah parmi vous. Et sachez que moi je prie et je dors. Des fois je prie la nuit et des fois je dors la nuit. Pas tout le temps je prie tout le temps. Hein? Un temps, des fois je prie, des fois je dors. Et des fois je jeûne et des fois je ne jeûne pas. Et des fois, et j'épouse des femmes. Celui qui délaisse ma sunna, alors il n'est pas de moi. Hein? Celui qui délaisse ma sunna, il n'est pas de moi. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Donc ça c'était pour faire comprendre aux gens que il ne faut pas essayer d'exagérer dans la religion. On ne pourra jamais être mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala mieux que les sahaba. Si quelqu'un il pense qu'il est capable de faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que les sahaba, il a exagéré dans sa religion. Il est devenu extrémiste. Ok. Et le cheikh dit, ولما لقطت له أو لقطت له عليه الصلاة والسلام حصى الجمار أمثال حصي الخبث يعني أكبر من الحمص بقليل أخذها في كفه وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Le chef, il dit que lorsque les gens ont commencé à chercher des petites pierres, des petits cailloux pour lancer les jamarat dans le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré la grosseur des pierres qu'ils doivent prendre. Un peu plus gros que les pois chiches. Hein? Ça veut dire, c'est pas des grosses pierres ou des grosses roches que tu dois prendre pour lancer sur les jamarat. C'est seulement des petites pierres de la grosseur d'un pois chiche. Donc il a dit, voici les grosseurs des pierres que vous devez prendre. Et il les a avertis en disant, et prenez garde à l'extrémisme, parce que ce qui a fait périr les gens avant vous, c'était l'extrémisme, hein, à le rouleau. Donc, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit, et nous interdit de tomber dans l'extrémisme. Dans Al-Ghulu. Aujourd'hui, vous entendez, dans les médias, par exemple, ils parlent de Tatarruf, hein, en arabe, Tatarruf, Ghulu, Usuliya, hein, fondamentalisme, intégrisme, et les mots utilisés en arabe, c'est Tatarruf, ou Usuliya, fondamentalisme, extrême, intégrisme, des trucs comme ça. Ça, c'est pas des termes islamique. C'est pas des termes qui sont révélés dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est des termes qui ont été inventés par les Juifs et par les chrétiens pour essayer de distinguer entre les groupes musulmans ou entre les musulmans. Et ça, nous les musulmans, on doit pas utiliser ces termes-là pour nous distinguer entre nous. Quand vous voyez, par exemple, des musulmans qui parlent de d'autres musulmans en utilisant ces genres de termes, eh bien, c'est un signe que ces gens-là n'ont rien compris de l'islam. Parce que c'est pas des termes qui ont été établis par le Coran et par la Sunna. Et donc, en eux-mêmes, ils n'ont aucune signification islamique. Ils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le faux. selon l'interprétation ou la définition que la personne se donne à lui-même de ces termes-là dans sa tête. Peut-être qu'il veut dire quelque chose de vrai, peut-être qu'il veut dire quelque chose de faux, parce que pour certains d'entre eux, un extrémiste, c'est quoi? C'est un musulman qui dit qu'il faut prier 5 fois par jour, hein, qui dit qu'il faut garder la barbe comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, qui dit que la femme doit être voilée comme il faut, qu'elle doit respecter les règles de l'islam, qu'elle doit obéir à son mari, et des exemples comme ça. Ça, pour eux, ça c'est un extrémiste. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec l'extrémisme, puisque c'est l'islam qui ordonne ça. Donc, c'est pour ça que c'est important. Pour d'autres, un extrémiste, c'est quoi? Ou un intégriste, c'est quoi? C'est un musulman qui fait des actes de terrorisme, qui va mettre des bombes à certains endroits, qui va faire sauter certaines choses, ou qui va se faire exploser lui-même, comme un acte suicidaire ou kamikaze, comme ils appellent, et qui va se faire exploser, aller dans des endroits publics pour faire du tort aux gens, hein, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Et ils pensent qu'en faisant ça, il fait quelque chose de bien pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il pense qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça, et il pense que ça fait partie du djihad que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, d'accord? Et ça n'a rien à voir avec l'islam, et ça oui c'est une forme d'extrémisme, parce que c'est dépasser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies dans sa religion. Donc si quelqu'un utilise le terme extrémiste ou intégriste ou fondamentaliste dans ce sens-là, hein, alors ça c'est sûr qu'on le rejette et on va dire oui, si c'est ça que vous voulez dire par ces termes-là, alors nous on est contre ces choses-là, d'accord? Mais c'est qu'il joue avec les choses, parce que pour certains d'entre eux, l'extrémiste c'est un musulman qui croit que le Coran et la Sunna c'est la vérité absolue, et qu'on ne peut pas remettre en question rien de ce qui est révélé de la révélation, et on doit l'obéir et on doit s'y soumettre. Pour eux, ça fait un extrémiste. Si tu crois en ça, tu es un extrémiste. Donc ça veut dire qu'on est tous des extrémistes dans ce cas-là. Parce que si tu dis ça, si tu dis qu'un musulman qui croit en ça aujourd'hui est l'extrémiste, eh bien les sahabas ils croyaient en ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait en ça. Et donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabas c'est des extrémistes. A'oudhou billah. On n'a pas le droit de dire ça. D'accord? Donc c'est pour ça que nous on retourne chaque chose au Coran et à la Sunna et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba pour voir qu'est-ce qui est extrémiste ou non. Si les sahaba l'ont fait et si ils étaient d'accord sur quelque chose, nous on dit ça c'est pas de l'extrémisme, ça fait partie de l'islam, d'accord? Et de le pratiquer aujourd'hui, c'est encore une fois ça fait partie de l'islam, ok? Donc ça c'est très important de pas tomber dans le piège de des termes que ces gens-là utilisent pour essayer de marginaliser ou stigmatiser certains groupes de musulmans par rapport à d'autres. Mais retourner au règne du Coran et de la Sunna pour définir et comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est dans les limites de l'islam et qu'est-ce qui n'est pas dans les limites de l'islam, et non pas selon les désirs et les passions de certains individus, parmi les koufars, parmi les musulmans, parmi les munafiqines ou parmi les mubtadi'ah qui veulent essayer de déformer la réalité de l'islam pour faire plaisir à certains ou bien pour suivre leur passion ou d'autres choses de ce genre. Donc ça c'est très important de comprendre ce point là. Barakallah, c'est café. Donc il y a ça. Puis le cheikh il dit « Wal yahoud wal nasara ghalaw fi anbiya'ihim wa ghalaw fi dinihim aydan » ولو في أنبيائهم حيث قالت النصارى للمسيح ابن الله فرفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ويسمونه الرب. أما اليهود فقد غلوا في عزير وقالوا هو ابن الله. وكذلك النصارى غلوا في دينهم فابتدعوا الرهبانية وهي التبتل والتعبد ولزوم الصوامع وعدم الخروج منها ورهبانية ابتدعوها كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا من الغلو في الدين. وقال تعالى لا تغلو في دينكم غير الحق. Donc les chefs ils disent que les juifs et les chrétiens ont exagéré dans leur religion, ils ont exagéré dans à propos de leurs prophètes aussi. Par exemple, les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa, au point de dire à son sujet qu'il est le fils d'Allah, le fils de Dieu. Et ils l'ont élevé du niveau d'être humain à un niveau de Dieu. Ils ont fait de lui un Dieu. Et donc, ils l'appellent notre Dieu, notre Seigneur, quand ils parlent de lui. Et quand ils prient à Isa, alayhi salam, au lieu de prier à Allah seul. Et des fois, ils prient même à Marie. Et quand ils prient à Marie, ils disent notre Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc c'est comme ça qu'ils disent. Et je me rappelle quand j'étais à l'école au primaire, chaque matin, ils faisaient répéter cette prière avant de commencer les cours. Notre Père qui est aux cieux, puis après Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, ils appellent Marie la Mère de Dieu. Donc, il a une mère. Il croit que Dieu a une mère. Je ne sais pas. Pour eux, c'est le. Ils disent pas que c'est le père de Isa, mais ils disent que c'était. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent encore. Vraiment, peut-être que c'était son fils. Le rôle de Joseph est un petit peu ambigu, mystérieux dans l'histoire des chrétiens. Ils n'ont pas tellement bien expliqué cette partie-là dans l'histoire. Donc, ça c'est à propos de ça. Donc, et sans compter qu'ils ont rajouté à ça une lignée ou une série de saints qu'ils invoquent et qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils prennent comme intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est des formes d'extrémisme. Et les juifs, la même chose à propos de Uzair, ils ont dit qu'il est le fils d'Allah. Donc ça c'est des formes d'extrémisme chez les juifs et chez les chrétiens. La même chose pour les chrétiens aussi, dans le sens de l'adoration, ils ont exagéré au sujet du monachisme, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, monachisme, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec les moines et les monastères, le fait de par exemple, le fait que c'est des gens qui se castrent, les eunuques, on les appelle les eunuques ou les eunuques, c'est-à-dire c'est des hommes qui se castrent eux-mêmes, c'est-à-dire, je sais pas comment, ouais, on les coupe les testicules, comme ça ils ont plus de désir sexuel, ils ont plus envie de se marier ou de penser au mariage, donc, et ils vont pas avoir de femmes et des enfants, donc ils vont juste penser à prier, adorer et se recueillir, méditer, des choses comme ça. Donc ça c'est un exemple. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a aussi At-Ta'abbud, ils restent enfermés dans des cloîtres ou des monastères pour se vouer uniquement à la prière et à l'adoration. Ils rentrent dans ces monastères ou dans ces cloîtres et ils n'en sortent plus jusqu'à leur mort. Donc ça existe même en Europe et même ici on a des monastères, puis ailleurs dans le monde. Et il y en a aussi chez les bouddhistes, il y en a chez les hindous, des choses comme ça, mais chez les chrétiens, il y en a beaucoup comme ça aussi. Ils rentrent dans ces endroits-là, puis ils restent là-bas, ils prient, ils font des jeûnes, ils font des méditations, toutes sortes de choses comme ça, juste pour l'adoration, la prière et des choses comme ça. Et ils pensent que ça, c'est quelque chose de bien. Donc, ils se coupent de la société, ils se coupent de la vie ordinaire, de la vie normale, pour dire qu'ils vont juste prier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné ça. C'est eux-mêmes qui ont inventé ça. Et ils ont attribué ça à la religion. Mais Allah a interdit ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas que les gens se coupent du monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que les gens vivent la vie et suivent l'exemple des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Et ils étaient des hommes qui se mariaient, qui avaient des enfants, qui vivaient la vie normale, qui travaillaient comme tout le monde. Sauf qu'ils avaient une mission, un message à transmettre aux hommes, et ils le faisaient. Et ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hadid, le verset 27, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette forme de monachisme qu'ils ont inventé, c'est pas nous qui leur avons prescrit de faire ça. Ils l'ont inventé eux-mêmes. Ils l'ont innové, et c'est une bid'a, ibtada'uha, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé bid'a dans ce verset-là. Et puis tada'ouha, ça veut dire, ils l'ont innové. Bilal, rapproche, akhi. Pourquoi tu restes loin en arrière? C'est mieux de t'approcher, akhi. Tafaddal, taqarrabou. Il y a un hadith qui parle de ça. Et puis il y a un hadith aussi, quelqu'un qui restait en arrière, là. Il faut rester en dans la halaqa, c'est ça. Donc, وَكَذَلِكَ النَّصَارَ غَلَوْ فِي en question à lui, Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi لَا تَغْلُوْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. Ok, donc ça ne s'agirait pas dans votre religion autre que dans la vérité, suivez la vérité. وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. للشيخ الفيكر dans un autre verset dans Sourate An-Nisa, le verset 171, c'est le même verset, mais Allah a dit, oh les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Le Messie, Isa, fils de Marie, n'est que le messager d'Allah, et une parole venant de lui, une parole venant de lui, c'est-à-dire que Allah, il a dit, soit, et il fut, hein. وألقاها إلى مريم إلى مريم وروح منه et un esprit, une âme qu'il a insufflé en Mariam par l'intermédiaire de l'ange qu'il a envoyé à Mariam pour souffler à Mariam cette âme qu'il a créée. فأمنوا بالله ورسله, donc croyez en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, c'est-à-dire ne dites pas trois en un comme les chrétiens disent. Intahu khayran lakum. Cessez de dire ça, cessez de dire trois, ce serait mieux pour vous. Allah n'est qu'une seule divinité unique. Allah n'est qu'une seule divinité unique, et qu'il soit purifié d'avoir un fils. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est suffisant comme garant. Donc ça veut dire que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, ça lui appartient. C'est lui qui l'a créé, c'est sa possession. Donc il n'a pas de fils parmi qu'est-ce qu'il a créé. Hein? Et donc les chrétiens, quand tu leur demandes, mais comment vous pensez que Dieu peut avoir un fils? Hein? Comment vous pouvez penser que Dieu peut avoir un fils? Est-ce qu'il a une épouse pour avoir des enfants? Hein? Et ils disent, non, c'est pas ça ce qu'on veut dire. Hein? Ils le savent très bien que Dieu n'a pas d'épouse. Ils le savent. Et quand tu leur dis, est-ce que vous pensez que Dieu a une épouse et qu'il a des enfants avec cette femme, ils disent non, c'est pas ça. Alors tu leur dis, alors ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu il a des enfants comme les animaux se reproduisent entre eux, ou les êtres humains qui se reproduisent entre eux, mâle, femelle, et puis on se reproduit de cette façon, est-ce que Dieu fait ça? Ils disent non, c'est pas ça qu'on veut dire. Hein? Ils le savent. Donc ils disent, non mais ils savent que Jésus, tu leur dis, est-ce que Dieu a créé Jésus? Ou bien il a eu avec une femme? Ils disent non, il a créé. La plupart d'entre les chrétiens, si vous leur posez cette question, est-ce que Dieu il a créé ou bien il l'a eu avec une femme? Ils vont dire non, il a créé. D'accord? Donc ils savent très bien que quand ils disent fils, ça ne veut pas dire un fils au sens littéral, au sens humain ou animal. Non, ils sont d'accord que fils, c'est au sens symbolique, dans le sens que Dieu il aime les hommes comme un père aime ses enfants, dans ce sens-là, pas dans le sens que il a des enfants avec des femmes, d'accord? Et donc là, tu peux leur expliquer que dans ce cas-là, il n'est pas fils de Dieu, et dans ce sens-là, personne n'est un enfant de Dieu parce qu'on est tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'on utilise ce terme, fils ou père, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour éviter toute shubha, pour éviter tout doute et tout amalgame, tout anthropomorphisme qu'on pourrait imaginer dans nos esprits. C'est interdit. Donc, parlez avec lui, eux les chrétiens, demandez-leur ces questions-là, vous allez voir, ils vont répondre comme ça. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils ne font que répéter des paroles qu'on leur a enseignées depuis l'enfance, sans jamais comprendre ce qu'ils disent. Et si vous leur faites réaliser la réalité de qu'est-ce qu'ils sont en train de répéter, et de leur faire s'arrêter quelques secondes pour prendre le temps de penser à qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ils vont commencer à se poser des questions. Parce qu'ils font juste répéter comme des perroquets. C'est comme quand tu dis à quelqu'un 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est la vérité. Mais si on lui a appris 1 plus 1 plus 1 égale 1, depuis qu'il est enfant, on lui a dit 1 plus 1 plus 1 égale 1. Lui, il croit que c'est vrai parce qu'on lui a toujours répété ça. Il n'a jamais entendu quelqu'un qui lui dit autre chose que ça. Mais le jour qu'il voit quelqu'un qui vient lui parler, qui lui dit 1 plus 1 plus 1 égale 3, ça lui fait un choc. Comment ça? J'ai jamais entendu ça avant. Mais là, tu lui expliques et tu lui donnes les détails, les arguments, les explications. Tu lui fais poser des questions et là, il commence à réfléchir et il commence à voir que qu'est-ce que tu lui dis, ça fait du sens. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut expliquer ça aux gens. Ben là, c'est là qu'ils font ça, c'est parce qu'ils tombent du mauvais côté, tu vois. Ils étaient entre les deux, ils ne savaient plus de quel côté aller. Et quand ils ont vu que le christianisme est faux, il y en a qui tombent dans le coffre. Il y en a dans la, disons, ils ont vu que le christianisme est faux, ils étaient dans le shirk, là ils sont tombés dans une autre forme de coffre. Hein, ils nient complètement la foi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils s'imaginent que il y a le christianisme, puis il y a l'athéisme. Un ou l'autre. Si t'es pas chrétien, t'es athée. Il n'y a pas d'autre chose. Et donc c'est important de leur faire comprendre que si t'es pas chrétien, ça veut pas dire que tu dois rejeter complètement la foi en Dieu. Parce que le christianisme, c'est juste une parmi d'autres religions, et elle est fausse. Donc, il faut juste comprendre la vérité pour qu'est-ce qu'elle est elle-même, et l'accepter et la suivre. Hein? Parce que moi, je me rappelle, c'est comme ça qu'ils nous ont appris quand on était petits. Il y a le christianisme, et si t'es pas chrétien, t'es perdu. Il n'y a pas rien d'autre. Et donc c'est pour ça que c'est important de leur faire comprendre que c'est pas vrai, qu'il y a une vérité, et cette vérité-là, elle n'est pas étrangère, elle n'aurait pas étrangère absolument, parce qu'elle se retrouve dans les enseignements de tous les prophètes que Allah a envoyés à l'humanité. Et c'est juste que le message que le prophète leur a amené, a été déformé, a été changé après. Et donc, ce qu'ils suivent comme ce qu'ils prétendent être christianisme ou la religion de Isa ou de Moussa, eh bien ce n'est pas réellement le vrai message de ces prophètes-là. Et que s'ils veulent vraiment connaître le vrai message de leurs prophètes, c'est en acceptant l'islam qu'ils vont le retrouver dans ce sens-là. Et bien entendu, il faut y aller doucement et prendre son temps avec eux, parce que c'est sûr que c'est pas aussi simple que ça pour eux de comprendre ça du jour au lendemain. Et des fois, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'explications. Hein? Donc, il y a ça. Après, le chef dit « وَكَذَلِكَ الَّذِينَ غَلَوْا فِي الصَّالِحِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى أَبَدُوهُمْ مَعَ اللَّهِ وَجَعَلُوهُمْ وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ اللَّهِ وَجَعَلُوا لَهُمْ شَيْئًا مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. Le chef dit quoi? Il dit la même chose est arrivée même dans notre Ummah. Parmi les musulmans, il y en a qui ont exagéré au sujet de certains hommes pieux au point de les adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils leur ont attribué même certaines caractéristiques de ar-rububiyya, de la souveraineté, hein, et de al-uluhiyya, c'est-à-dire de l'adoration. Et donc, ils ont fait la même erreur que les chrétiens et les juifs. Parmi les musulmans, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé ça aussi. Il a dit « La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibran, zira'an bi zira'in, hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. » Qu'il est manhum, al-yahud al-nasara, qala fa man. C'est-à-dire, vous allez suivre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens, pas à pas. Vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. Donc c'est une prophétie qui nous dit, hein, c'est une prophétie qui dit que ça, ça va arriver dans l'avenir. Il n'y a pas de doute. C'est une vérité puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ça va arriver, vous allez les suivre. Et ça, c'est interdit. Bien entendu, c'est interdit. Mais il nous dit, ça va arriver. C'est un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité, qu'il est un vrai prophète. Ce qu'il a prédit, et puis c'est arrivé aujourd'hui, on le voit. Les musulmans, beaucoup de musulmans se mettent à imiter et à suivre les juifs et les chrétiens. Alors que c'est interdit de faire ça. Hein? Donc, même s'ils rentrent dans un trou de lézard, vous allez les suivre. Qui est capable de rentrer dans le trou d'un lézard? Personne. Parce que c'est trop petit. Mais c'est pour te dire à quel point les gens sont acharnés. Que si eux ils rentrent, nous on va vouloir les suivre dedans. Eh non. Donc c'est ça. Et c'est pour te dire à quel point ils sont acharnés à vouloir les imiter et les suivre. D'accord? Donc, bien entendu, ça c'est pas tous les musulmans qui vont les suivre. Une partie des musulmans, hein, vont pas les suivre. La majorité des musulmans, ils vont les suivre. Mais une petite partie de la Ummah vont pas les suivre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Il y a un groupe de ma Ummah qui va toujours être victorieux sur la vérité. Ils vont pas se dévier, ils vont pas suivre les juifs, ils vont pas suivre les chrétiens, ils vont suivre la vérité. Hein? Donc c'est ça. Et il y a des musulmans qui ont commencé à prendre des hommes pieux, à construire des mausolées, des tombes sur leurs tombes, à les invoquer, à faire le tawaf autour des tombes, à aller sacrifier des animaux pour ces êtres qui sont enterrés, leur demander al-madad, ou il y a des ya Abdel Qadir, ya Tijani, ya Hassan, ya Hussein, ya Fatima, ils demandent à autre que Allah, ils font le shirk billah. Hein? Donc tout ça c'est des exemples que qu'est-ce que les chrétiens font avec Isa, qu'est-ce que les chrétiens font avec Maryam, qu'est-ce que les chrétiens font avec les saints, des musulmans parmi les gens qui se disent musulmans qui font exactement la même chose avec des soi-disant awliya parmi les musulmans. Et ils disent, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils font la prière, ils font le hajj, ils font le jeûne, mais ils font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour nous faire comprendre que ça, ça fait partie du rouleau, ça fait partie de l'extrémisme dans la religion. Et qu'on est en train d'imiter, ou certains d'entre nous sont en train d'imiter les juifs et les chrétiens. Il y a des musulmans, parmi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui, qui croient que leur cheikh, il connaît le ghaib, connaît l'invisible. Parmi les soufis, il y en a parmi eux qui croient que leur cheikh, il a le don de dire kun fayakun. Hein? Comme les soufis, ils ont la croyance qu'il y a un être qui s'appelle al-qutb. Et al-qutb, ou al-ghawf, hein? Ou qutb al-qutb. Et qu'il a le pouvoir de contrôler tous les atomes de l'univers. Et qu'il contrôle tout dans l'univers. Et puis qu'il peut donner le risque. Il peut faire vivre et il peut faire mourir. Et il a le pouvoir de faire tomber la pluie et de guider les gens s'il veut ou de les égarer à volonté. Il croit qu'il est un être comme ça, suprême, un être surnaturel. Hein, et que Allah lui a donné le pouvoir sur la création. Hein, c'est toi qui t'en occupes de l'univers. Et allez, Allah l'instant, a'udhu billah. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est kufr. Il les appelle Rijal al-Ghayb, les hommes de l'invisible. Il y a le Qutb, après il y a d'autres degrés, comme une pyramide. Hein? Il y a un Qutb en haut, puis après il y a les Autad, après il y a les... En tout cas, il y a différents noms là. Hein? Toutes sortes de noms comme ça, j'ai oublié. En tout cas, c'est juste pour vous dire qu'il y en a qui croient en Arub, qu'ils ont des pouvoirs de... d'Allah. Comme les chrétiens, ils croient ça à propos de Isa et d'autres religions. Des hindous, ils croient aussi à propos de certaines de leurs divinités. Vishnu, Gana, je sais pas comment, Lingam, ou Ganesh, ou je sais pas comment ils les appellent. Donc, ils leur attribuent des attributs de divinité. Il y en a, ils parlent des télé-évangélistes. Il y a des fois le dimanche ou le samedi, ils ont des émissions et ils prétendent qu'ils font des miracles et tout ça. Et là, ils disaient, lève ta main. Et il a levé sa main, il a dit, si tu veux te joindre à nous, il dit, pose ta main sur le téléviseur. Et puis, donc, comme c'est pour dire qu'il fait des miracles, si tu touches le téléviseur, il va communiquer avec lui, je sais pas quoi. Donc ça, c'est des exemples de, chez ces gens-là, comment ils jouent bien entendu les télévangélistes. Maintenant, ils commencent même à avoir des télévangélistes parmi les musulmans. Hein. Mais je sais pas si vous avez vu les Amr Khalid. Eux, ils font ça, ouais. Ils remplissent des stades avec plein de monde, et puis là, ils font des grosses conférences comme ça, puis des milliers de personnes. Comme c'est, ils ont imité la même méthode que les évangélistes américains, comme Jimmy Swaggart puis les autres, hein, qui sont très connus. Et puis, ouais, cravate, veste en cravate et tout. Donc ça, c'est juste pour la forme, mais le fond aussi, le message est complètement déraillé aussi. Et donc l'apparence, c'est juste la pointe du iceberg. Ah, il y a tout, ils font des spectacles comme de pop, et ça y est, hip-hop islamique et tout, ça y est. Donc le cheikh a dit, c'est sahih, An ibn Abbas radiallahu anhu ma qal, في قول الله تعالى لا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح وعليكم السلام ورحمة الله فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم حتى التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها أو سموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك نسي العلم عبد ونسي العلم عبدت. Le cheikh il explique maintenant la parole de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est rapporté dans le Sahih selon Ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit pour expliquer le verset 23 dans Sourate Nuh, lorsque les gens de Nuh, le peuple de Nuh dit, un des peuples de Nuh, il dit à son peuple, et n'abandonnez pas vos idoles, et n'abandonnez pas Wet et Suwa et Yaruf et Ya'uq et Nasr. C'est le nom de 5 hommes pieux parmi le peuple avant Nuh. Ok? C'était des hommes qui étaient parmi les hommes pieux et vertueux de l'époque. Hein, c'était des hommes de bien, ils faisaient du bien et ils étaient des mu'minines, des croyants. Hein. Donc, Ibn Abbas a expliqué ça. Par la suite, ils sont morts, ces 5 hommes, ils sont morts. Le shaitan est venu pour inspirer aux gens de faire leurs images à l'endroit où ils se réunissaient, leur statue, à des endroits où ils se réunissaient. Et donc, ils ont expliqué, comme le chef il va l'expliquer après, ils ont fait ça dans le but de se rappeler d'eux, et de dire, on va faire ces statues pour se rappeler du bien que ces gens-là faisaient, pour essayer de les imiter, et d'être bons comme eux. Leur but et leur intention, c'était pas de les adorer, au début, c'était juste d'essayer de se rappeler d'eux, et de les prendre comme exemple, pour se souvenir. Hein, et ils leur ont donné, à chacune de ces idoles, le nom qu'ils portaient dans la dunya, et ils ont fait ces statues-là, et personne ne les a adorées, à ce moment-là, personne ne les a adorées. Mais quand cette génération-là sont morts, la génération qui les a suivis par la suite, eux, ils ont oublié la connaissance qu'ils avaient, pourquoi on a fait ces statues-là, et ils ont commencé à les adorer par la suite. C'est le shaitan qui les a trompés pour les faire tomber dans le shirk. Parce que le shaitan, comme le shaykh va expliquer plus tard, il planifie à long terme. Il fait ses plans à long terme, pas comme les êtres humains. Nous, on voit juste comme 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui va arriver si on fait ça. Le shaitan, lui, il planifie à des générations à l'avance. Hein? Lui, par exemple, s'il veut faire dévier une génération, il commence maintenant pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. ils planifient très loin à l'avance. Nous, on voit ça aujourd'hui, des petits péchés ou des petites bid'ah, des petits égarements, on dit, oh, ça c'est rien, c'est pas grave, on peut le faire, hein. C'est des petits péchés, les musulmans c'est comme ça aujourd'hui. Ah oui, les femmes aujourd'hui viennent à la mosquée en jeans, un petit foulard, c'est pas grave. Mais dans 50 ans, qu'est-ce que ça va être si c'est comme ça aujourd'hui? Dans 50 ans, ils vont venir en mini-jupe à la mosquée. Hein? Allah al-Musta'an. Donc c'est pour ça, Shaitan il vient petit à petit. Ok? Et ça c'est du shirk. C'est encore pire que l'habillement, tu vois. Parce que c'est une opposition avec les fondements de la foi. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit, وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح إلى آخره. وقول نوح لما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له تواصوا فيما بينهم بهذه الوصية الكافرة وقالوا لا تذرن آلهتكم يعني لا تطيعوا نوحا عليه السلام ولا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء رجال صالحين وكان هذا في الأول لأن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام على دين التوحيد كما قال ابن عباس كانوا على دين التوحيد دين أبيهم آدم 10 قرون وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد عهد التوحيد فلما ماتوا ويروى أنهم ماتوا في سنة واحدة حزنوا عليهم حزنا شديدا وبكوا عليهم فاستغل الشيطان لعنه الله هذه العاطفة فيهم وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح وباطنها الخديعة والمكر أشار عليهم بأن يصوروا تماثيلهم يعني يجعل لهم صورا على شكل تماثيل كل واحد له صورة وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم من أجل أن ينشطوا على العبادة إذا رأوهم تذكروا حالتهم فنشطوا على العبادة فهو جاءهم من باب النصح وأشار عليهم بمشورة ظاهرها الخير وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة والتقوى والصلاح والاقتداء بهؤلاء إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم هذا ظاهر نصيحته ولكن في الباطن يمكر بهم لأنه يرمي إلى مرمى بعيد لعنه الله ينظر إلى العواقب إلى الأجيال القادمة يؤسس هذه الأساس للأجيال القادمة وإلا فإنه يعرف أن هؤلاء ما دام العلم موجودا وما دام أنهم على التوحيد لن يتركوا عبادة الله عز وجل فقبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير فابتدعوا هذه البدعة لشيخ الدين كابن عباس رضي الله عنه إلى إسفلتين التفسير دو سفيرسيه دا سورة نوح et que c'est le nom des hommes pieux parmi les gens qui faisaient partie du peuple de Noé. Et le peuple de Noé, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a interdit de faire le shirk. Il a ordonné d'adorer Allah seul. Et il aura donc un d'entre eux a donné un conseil, un des kuffars parmi eux a donné un conseil au peuple de ne pas abandonner les idoles. Et il a mentionné le nom, comme je disais tout à l'heure, de Wad et de Suwar et de Yahouf et de Ya'ouq et de Nasr. Et ça c'était des hommes qui vivaient dans le temps passé, avant Nour. Ils étaient tous sur la religion de Tawhid. Ils étaient tous sur le Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ils n'adoraient rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et pourquoi? Parce que tous les fils d'Adam étaient sur le Tawhid pendant 10 générations. Tout le monde ne connaissait rien d'autre comme, comme religion que le tawhid. Adam était sur le tawhid et tous ses enfants pendant 10 générations, ils n'ont pas connu d'autre chose que le tawhid. Il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'y avait pas de polythéisme parmi eux, hein, il n'y avait que l'adoration du Dieu unique. Contrairement à ce qui est enseigné aujourd'hui en sociologie ou en anthropologie chez les koufars, que à l'origine les hommes étaient des polythéistes, puis qu'ils ont évolué petit à petit jusqu'au monothéisme. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que les hommes à la base ils étaient tous monothéistes, ils étaient tous sur le tawhid, et après ils ont dégénéré dans leur ibada et dans leur aqida, et ils ont commencé à prendre des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et ils sont tombés petit à petit dans le shirk avec cet exemple-là. C'est comme ça que le shirk est apparu dans l'humanité. Hein? Donc, c'était 5 hommes qui étaient pieux, qui étaient sur le tawhid, et ils sont tous morts. Ils sont morts en même temps, certains disent qu'ils sont morts en même temps. Et le shaitan, quand il a vu que ces gens-là étaient tristes de leur mort, eh bien, le shaitan est venu et commençait à leur inciter, hein, et à leur donner des suggestions et des conseils, soi-disant. Mais en réalité, ce n'est pas des conseils. Hein, en apparence, c'est un conseil, mais en réalité, c'était une ruse que le shaitan utilisait pour les tromper et pour les égarer. Donc, le shaitan est venu puis leur a dit de faire des représentations de ces hommes-là, des statues de ces hommes-là, hein, pour, soi-disant, que lorsqu'ils vont les voir, ça va les encourager à faire le bien et ça va les encourager dans l'adoration. Lorsqu'ils vont les voir, on voit ces images ou ces statues, ils vont dire, bon ça, on doit faire comme eux, on doit les imiter, on doit être des bonnes personnes. Ça c'était en apparence. Hein. Mais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, comme on dit, par la suite, les gens ont oublié le ilm. Le shaitan, lui, la'anahullah, comme on disait tout à l'heure, il planifie à l'avance, des générations à l'avance. Il veut égarer des gens, il planifie à l'avance. Il sait que les gens, tant qu'ils ont la connaissance et la science et la compréhension de l'islam, ils ne peuvent pas égarer les gens. Mais dans 1, 2, 3, 4, 10 ou 15 générations, il sait que lorsque les gens vont perdre la connaissance, ils vont tomber dans l'égarement et dans le shirk. Donc il planifiait à long terme. Et c'est ça qui est arrivé. Les gens par la suite ont commencé à les adorer, ces idoles, au lieu de juste les prendre comme des exemples ou des modèles ou des encouragements pour faire le bien. Hein? Et ils ont donc innové, ils ont fait cette bid'a et c'est ça ce qui les a fait tomber dans le shirk avec le temps. Okay? Donc en apparence, ils avaient une bonne intention, mais c'était bâtil, c'était faux ce qu'ils ont fait. وهذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير وإن كانت نية أصحابها الخير ابتدعوا هذه البدع وصوروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء الصالحين ولم تعبد في هذا الجيل لأنهم على علم وعلى دين ولكن لما مات هذا الجيل نسي العلم وفي رواية نسخ العلم بموت العلماء لأن الشيطان لا يتسلط في الغالب مع وجود العلماء لأن العلماء يكافحونه ويردون كيده وإنما يتسلط عند عدم العلماء le sheikh il dit, et ça c'est la preuve que les innovations en apparence, même si en apparence elles peuvent être bonnes, elles peuvent sembler bonnes, elles sont mauvaises. Hein? Et ça c'est une réfutation de ceux qui disent qu'il y a 2 catégories de bid'a, le bid'atul hasana ou le bid'atul sayya. Ça c'est faux de dire ça. Toutes les bid'a sont mauvaises, toutes les innovations dans la religion sont mauvaises. Hein? Même si en apparence ça peut te paraître bon, parce que qu'est-ce qui détermine ce qui est bon et ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui distingue entre le bon et le mal, le bien et le mal? C'est la sharia, c'est le Coran et la sunna. Hein? Donc si toi tu peux penser que quelque chose en apparence est bon, ça ne veut pas dire que c'est bon, vraiment. Sinon on pourrait tous inventer des affaires dans la religion qui nous semble bonne et prétendre que c'est correct de le faire. Par exemple, on voudrait faire Salat al-Isha 10 rak'ah, parce qu'on est, on est dans une période, les musulmans sont faibles, il n'y a pas d'iman fort, donc on a besoin de faire plus d'ibadat. Donc on va faire Isha, au lieu de faire 4, on va faire 10. Hein? Ça c'est bon, en apparence, hein? Sauf que c'est pas comme ça qu'on détermine qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon dans la charia. Quand c'est des questions de ibadat, ou des questions qui ont rapport avec les règles de la charia, on n'a pas le droit d'ajouter, on n'a pas le droit d'enlever. Il faut se limiter à ce qui a été révélé. Hein, le professeur Hassan m'a dit, même si tu penses que c'est bon, si tu fais quelque chose qui n'a pas été ramené dans l'islam par le professeur Hassan, ça n'a pas été fait par les sahabas, c'est rejeté, Allah ne va pas l'accepter. Même si tu fais salat al-isha 10 raka'a, Allah ne va pas l'accepter. C'est déjà en partage, tu sais que c'est batil, même si tu penses que c'est bon. Donc ça c'est pour la salat et pour n'importe quelle autre chose dans la religion. Tu veux inventer des nouvelles adorations, tu veux utiliser ton imagination pour adorer Allah, sache que rien va être accepté de ça. Parce que tu dois uniquement te limiter à ce que Allah t'a permis dans la charia pour l'adorer. Ok? Tu ne peux pas être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'adorer mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, n'essaie pas d'inventer, on ne doit pas essayer d'inventer des choses dans la religion d'Allah. Donc c'est ça, le shaitan, comme on a dit, il les a trompés de cette façon-là en leur faisant croire qu'ils faisaient du bien, alors que ce n'était pas du bien. Et le problème, c'est que ces gens-là sont morts. Les ulama parmi eux sont morts. Et les ulama, c'est eux qui protègent, d'une certaine façon, la aqidah et la religion des gens. Quand dans un pays, il n'y a plus d'ulama, le peuple est perdu. Les ulama, c'est comme la tête dans un corps. S'il n'y a plus de tête, le corps ne peut rien faire tout seul. Hein? Il va se laisser traîner à gauche et à droite, il va suivre n'importe quoi. Parce qu'il n'a plus de tête. Il n'y a personne qui le dirige, qui le guide, qui leur montre le droit chemin, qui peut le protéger contre l'égarement. Et donc c'est l'importance des ulama. Et c'est pour ça que les koufars, première chose, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont dans les pays musulmans, ils regardent c'est qui les ulama. Et quand ils voient qu'il y a des ulama qui appellent au Coran et à la Sunna, ils attaquent les ulama en premier. Ou ils font en sorte que les gens essaient de se tourner contre les ulama, pour les renverser contre les ulama, pour pas qu'ils les écoutent. Et comme ça, par la suite, ils ont le contrôle sur les gens, parce que les gens n'écoutent plus les ulama. Et ça, c'est la tactique des shayatin, hein, parmi les êtres humains, parmi les djinns, et les jeunes bid'ah. La première chose qu'ils attaquent quand ils veulent égarer des gens, ils attaquent les ulama. Ils essaient de dénigrer les ulama, de rabaisser les ulama, de faire en sorte que les gens n'ont plus de respect pour les ulama. Et lorsque les gens n'ont plus de respect pour les ulama, ils peuvent jouer avec eux comme ils veulent et les faire faire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que c'est les ulama qui protègent cette ummah. C'est eux les héritiers des prophètes. Warasatul anbiya. Hein? Donc sans ulama, c'est fini pour la Ummah, on ne peut plus rien faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Hein? Yani, c'est quoi le hadith ? Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'ahu min al-rijal ou min al-nas, walakin yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama, ay bi mawtihim, hatta la yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilm fadallu wa adallu. Allah il n'enlève pas la science en l'arrachant des gens. Hein, en l'arrachant de leur cœur, mais il prend le ilm en faisant mourir les ulama jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne comme ulama. Alors les gens prennent des ignorants comme leur chef et ils leur posent des questions dans la religion et ils s'égarent et ils égarent les gens avec eux. Donc ça c'est quand il n'y a plus d'ulama et quand les gens ne retournent plus aux ulama, quand ils ont besoin de questions pour comprendre leur religion. Et ça c'est ce qui arrive aujourd'hui. Surtout avec les chaînes satellites et tout ça, on a des gens des fois qui sont là pour soi-disant parler de religion, qui ne sont pas des ulama. Et qui ne retournent pas aux ulama s'ils ne sont pas eux-mêmes des ulama. Si quelqu'un n'est pas un alim, un talib ilm ou un étudiant, et qu'il retourne aux ulama, il fait partie des gens qui sont bien guidés, inshallah, parce qu'ils retournent aux ulama. Ils ne prennent pas les choses de leur propre tête. Ils n'inventent pas, ils n'essaient pas de faire leur propre fatawa. Il retourne à ceux qui ont du ilm. Mais quand quelqu'un prend de lui-même et qu'il essaie de se mettre à la position des ulama et qu'il contredit les ulama, alors là, c'est sûr qu'il est sur une voie d'égarement, et les gens qui les suivent, ils s'égarent également. Understand. Donc, c'est pour ça l'importance de suivre et de connaître les ulama, de connaître qui sont les ulama et de les suivre dans le droit chemin. Alaykoum salam, Allah. Donc, on va s'arrêter pour le adhan et puis on va continuer, inshallah, la semaine prochaine, en fait. On va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك